Mercedes-Benz. Depuis des semaines, vous êtes ce prof de maths du dimanche, ce chef cuistot aux mille et une recettes à base de pâtes, ou ce magicien qui transforme le salon en salle de sport. Mais ça y est, vous pouvez reprendre la route et enfin vous faire plaisir. C'est le bon moment. Votre distributeur Mercedes-Benz peut à nouveau vous accueillir pour vous faire profiter d'offres exclusives sur toutes les Mercedes neuves et d'occasion et vous proposer des solutions de financement flexibles. Vous avez assez attendu, non? Alors rendez-vous dès maintenant chez votre distributeur pour en savoir plus. Bonjour, c'est Fabrice Drouel. Je vous propose, en attendant de revenir très vite avec des épisodes inédits d'Affaires Sensibles, bien sûr, de redécouvrir les fameux rendez-vous avec X. Cette émission culte de Patrick Pénaud va vous permettre de pénétrer dans de nombreuses affaires sensibles dans les coulisses des services secrets français. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. On meurt beaucoup en Grande-Bretagne quand on est russe et riche. Beaucoup trop. Le dernier d'entre eux s'appelait Boris Berezovsky, retrouvé mort dans la salle de bain de sa luxueuse maison d'Ascot. Apparemment, il se serait suicidé. Mais il est permis de douter, cet oligarque réfugié en Angleterre avait suscité beaucoup de haine au cours d'une existence tumultueuse, semée de morts violentes. Des haines, oui. À commencer par celle de Vladimir Poutine, qu'il a pourtant emporté au pouvoir et qui en avait fait ensuite son meilleur ennemi. Monsieur X a donc choisi d'ouvrir le dossier Berezovsky, une plongée dans les bas-fonds les plus malodorants de la société russe, où les nouveaux milliardaires côtoient les tueurs, où la corruption gangrène les rouages d'un régime toujours plus autoritaire. L'occasion aussi de revenir sur l'affaire Magnitsky, du nom de cet avocat qui, pour avoir osé dénoncer un véritable hold-up judiciaire, a fini battu à mort dans une cellule d'une prison moscovite. Une affaire qui empoisonne aujourd'hui les relations entre les États-Unis et la Fédération de Russie à tel point que le Kremlin a même récemment interdit l'adoption d'orphelins russes par des citoyens américains. Les faits, d'abord. Le samedi 23 mars 2013, vers 15h, le garde du corps israélien de Berezovsky regagne la somptueuse résidence de son patron, située à Ascot, près de Londres. La maison est silencieuse et Berezovsky, Bab, comme on l'appelle, est invisible. Bab? Pour Boris Abramovitch Berezovsky. Ah, d'accord. Et il vit seul dans cette grande maison? Oui, il vient de rompre avec sa dernière et très jeune maîtresse. Et comme il a connu ces derniers temps quelques déboires financiers, il a limogé son équipe de garde du corps, des anciens légionnaires français. Mm-hmm. Pour assurer sa protection, il n'a donc plus que cet Israélien. Et celui-ci a quitté la maison à 10h. Et il revient donc en début d'après-midi. Et ce qu'il frappe tout de suite, c'est qu'il découvre le téléphone de Bab, un appareil qui indique de nombreux appels sans réponse. Et ça l'inquiète. Alors, après avoir cherché en vain son patron dans la maison, il décide de forcer la porte de la seule pièce fermée à clé, la salle de bain. Et il trouve Berezovsky. Oui. Celui-ci gît sur le sol. Il est totalement habillé, mais autour de son cou, il y a une écharpe et un morceau de tissu dont un autre bout est accroché au montant de la douche. Oui, mais ça fait immédiatement penser ça à une pendaison. Ouais, hein. Le poids du corps ayant entraîné la rupture de ce tissu, bien sûr. Le garde du corps appelle la police qui, étant donné la personnalité de Berezovsky, va inspecter la maison du sol au plafond et procéder à de nombreux prélèvements. Toutefois, puisque la porte de la salle de bain était fermée de l'intérieur, c'est la version du suicide qui semble la plus vraisemblable. Seule interrogation. Aucune lettre n'est retrouvée sur Berezovsky ou dans la maison. Et puis, pourquoi y avait-il une écharpe près du corps? Et l'autopsie, alors? En pratiquée très rapidement, ses conclusions sont rendues publiques dès le lundi. Elles révèlent que le décès de l'oligarque est dû à une pendaison. Ouais, mais on aurait pu aussi le pendre. Ah, c'est exact. Aussi, les enquêteurs n'en sont pas restés là. Ils ont ordonné nombre d'examens toxicologiques. Cependant, tout ça est très long. Et donc, pour l'instant, on n'en sait pas plus. On peut au moins essayer de savoir si Berezovsky était dans un état psychologique qui aurait pu le pousser à se suicider. Eh bien, je peux vous dire que les avis sont aussi nombreux que contradictoires. Par exemple, l'une de ses nombreuses et éphémères compagnes du moment, Katerina Sabirova, 23 ans, déclare que Bab était très déprimé car il avait perdu son procès contre son compère Abramovitch. Mais je reviendrai sur ce point précis. Toutefois, elle ajoute qu'il envisageait de repartir en Russie où il était prêt à présenter des excuses à Poutine. Il avait même écrit une lettre en ce sens. Ouais. Donc pour elle, enfin malgré cette dépression, il n'avait pas l'intention de se suicider. Elle lui avait d'ailleurs parlé la veille au soir. Le 22 mars, donc. Sa voix était bonne et le couple avait prévu de se retrouver en Israël le lundi 25 mars pour 2 semaines de vacances. Et d'une façon générale, tous ses proches, famille, ex-épouse, enfants ou amis, ont refusé la thèse du suicide. De même, ils ont aussi mis en cause cette histoire de lettre de pardon qu'il aurait envoyée à Poutine. Mmh. Pour quelle raison, là ? Parce qu'il leur a semblé que cette soi-disant lettre arrangeait bien la propagande du Kremlin. Berezovsky, faisant amende honorable, vous imaginez. D'ailleurs, à Moscou, on n'a pas manqué de se féliciter. Oui. Alors, si tous ces gens ne croient pas au suicide... Ils sont persuadés que l'oligarque a été assassiné et que c'est Poutine qui a donné l'ordre, afin de se débarrasser de son principal ennemi. Et une accusation qui ne repose sur aucun fondement. C'est vrai. Pour l'instant, il n'y a pas de preuve. Autre chose, là. Berezovsky, était-il réellement déprimé ? Il l'a été, c'est certain, puisqu'il a même été brièvement hospitalisé dans une clinique privée. Mais il était soigné et suivi de près. Alors, autre question, là. Était-il vraiment ruiné, comme on l'a insinué ? Pour répondre à cette question, je me réfère aux déclarations d'un certain Nikolai Glouchok, le parrain de l'une des filles de Bab, un homme qui, entre parenthèses, a eu lui aussi des ennuis à Moscou. Bon, pourquoi ? Il a fait 3 ans de prison pour fraude fiscale, et comme son ami, il a choisi de vivre en Grande-Bretagne. Enfin, peu importe. Alors, voici ce que ce Glouchkov a dit. Certes, Berezovsky avait effectivement perdu beaucoup d'argent. Mais il était bien loin d'être ruiné, puisqu'il attendait le versement du produit de 2 fonds d'investissement. La bagatelle de 650 millions de dollars. Et toujours d'après cet homme, Berezovsky, recouvrant une partie de sa fortune, représentait un danger pour le pouvoir russe. D'où son éventuel assassinat. C'est ce qu'il prétend. Cependant, bien sûr, ce qui accrédite les déclarations de cet homme, mais aussi celles de ses proches, ce sont les précédents. Les autres morts mystérieuses recensées en Grande-Bretagne. C'est ce que je voulais dire. Mais avant de voir cela dans le détail, je vous propose de nous pencher sur le passé de Berezovsky. Il est né en 1946 dans une famille juive de l'intelligentsia moscovite. Il grandit à Moscou, reçoit une excellente éducation, puis fait des études supérieures d'électronique et d'informatique dans l'un des principaux instituts scientifiques secrets de l'URSS. Ensuite, il poursuit son cursus au département de mathématiques appliquées de l'Université de Moscou, où il obtient un doctorat d'État. C'est donc un homme parfaitement intégré dans la société russe, hein ? Eh oui, c'est surtout un très bon scientifique. Ça lui permet d'être nommé à la tête de l'un des laboratoires de l'Institut de gestion, spécialisé dans les questions d'automation et les systèmes informatiques destinés aux entreprises. Oui, il fait alors partie de l'élite scientifique et industrielle du pays. Incontestablement. Mais c'est dans le secteur automobile qu'il va réellement percer. Dès 1989, c'est-à-dire sous Gorbatchev, il s'intéresse aux plus grands fabricants de voitures du RSS, Avtovaz. Berezovsky propose d'informatiser ses usines. Et bientôt, il crée une société destinée à vendre à Avtovaz des logiciels d'automatisation. Cet homme entreprenant profite donc des nouvelles possibilités offertes par la libération du régime, Glasnost et Perestroïka oblige. Oui, mais ce n'est qu'un début. Car avec la fin du système soviétique, les petits malins comme Berezovsky vont édifier d'énormes fortunes. Il faut noter au passage que l'industrie automobile est alors l'une des branches du secteur industriel les plus criminalisés. Ouais, la présence de la mafia. La mafia rouge d'abord, celle qui trafiquait avec la bénédiction des hiérarques communistes. Puis la mafia tout court, où les nouveaux maîtres du pays vont aller chercher leurs parrains et surtout leurs hommes de main. En 1993, Berezovsky crée une nouvelle société, AWA. Associée à la puissante General Motors américaine, elle doit fabriquer la voiture populaire de la Russie, une sorte de coccinelle. Mais en réalité, il s'agit d'une superbe escroquerie. Mais expliquez alors. AWA vend des actions à plus de 100 000 Russes pour environ 50 millions de dollars. C'est alors la pleine période de privatisation en Russie. Ouais, on brade. En effet. Mais je poursuis. Un an plus tard, les dirigeants de General Motors, effrayés par le gangstérisme et la corruption régnant au sein de l'industrie automobile russe, se retirent du projet. Les certificats vendus ont perdu toute valeur. Mais Berezovski a empoché les dollars. Ah, bien sûr. Et il rebondit en rachetant une autre société. Entre-temps, il est devenu un grand ami de la famille Yeltsin. Ouais, la famille, hein, comme on va l'appeler, pour désigner ce clan qui va mettre à sac la Russie. Hein. Oui. Cette connivence permet à Berezovski de se lancer à la conquête des médias et de devenir propriétaire de l'une des chaînes de télévision les plus importantes de Russie, ORT. C'est à cette occasion qu'il connaît ses premiers ennuis. Racontez. L'un des présentateurs vedettes de cette chaîne, Vladimir Listiev, est assassiné. La milice, c'est-à-dire la police russe, veut embarquer Berezovski pour l'interroger. Mais quelques gros bras s'opposent à l'entrée des miliciens. Et parmi eux se trouve un certain Alexandre Litvinenko. Et c'est l'homme qui sera plus tard victime d'un emprisonnement mortel à Londres. Hein. En 2006, oui, c'est le même homme. Litvinenko est alors officier du FSB, le service de sécurité intérieure qui a succédé au KGB. Et il s'oppose donc à la police. Pour protéger Berezovski. Drôle de mélange des gens, non? Oui, je suis d'accord. Mais le FSB, nul ne l'ignore, est devenu sous Eltsine un vrai panier de crabe. Oui, car Litvinenko ne peut ignorer les pratiques douteuses de Berezovski. Hein. C'est certain. Et pourquoi ce Listiev, alors, qui travaille à la télévision, a-t-il été liquidé? Directeur de la chaîne ORT, il y a créé le premier, un talk show très anti-langue de bois. Donc pas très gentil pour le pouvoir. Et Berezovski, son nouveau patron, n'a peut-être pas apprécié. Ouais, mais de là à le faire tuer... Bon, vous avez raison, mais il n'empêche que Berezovski a été très sérieusement soupçonné et qu'il a préféré prendre quelque temps le large. Où? À Londres. Déjà, oui. Mais Berezovski possède aussi en France, sur la Côte d'Azur, une luxueuse demeure. En tout cas, ça ne l'a pas empêché de continuer à s'enrichir et à exercer une influence de plus en plus grande sur le monde économique, mais aussi sur le pouvoir. Son succès dans les affaires, d'abord. L'oligarque, qui est vraiment très intelligent, a compris qu'il n'était pas nécessaire d'acheter une entreprise pour la contrôler. Elle pouvait rester entre les mains de l'État. Il suffisait d'assumer sa gestion et de canaliser ensuite ses bénéfices. Ouais, c'est en effet assez astucieux. Ouais. Et c'est ainsi qu'il procède avec la compagnie Aeroflot, dont il accélérera la privatisation à son profit. Mais il aborde aussi le domaine du pétrole, en mettant la main sur la compagnie Sibneft. Avec son complice Roman Abramovitch, hein, je crois. Ah oui, c'est tout à fait exact. Et plus tard, beaucoup plus tard, c'est ce montage financier qui sera à l'origine de l'ultime dégringolade de Berezovski. Une chute parfaitement télécommandée. Mais enfin, n'allons pas trop vite, on en reparlera. Encore un mystère. Oh, si vous voulez. En tout cas, au long de ces décennies 90, Berezovski se construit une énorme fortune. Et on dira même qu'il est devenu l'homme le plus riche de Russie. Dans un pays qui ne manque pourtant pas de milliardaires. Et en même temps, il poursuit son ascension politique. Grâce à la famille. Il aide à mettre la Russie en coupe réglée. En 1996, il réussit à se faire nommer secrétaire adjoint du Conseil de sécurité à la place du général Yebed. Tombé en disgrâce. Il s'agit donc là de sa première fonction politique. Hein. Et c'est particulièrement important. Car à ce titre, Berezovski est chargé des relations avec la Tchétchénie, ou plutôt, comme il l'a toujours prétendu, de la reconstruction de l'économie tchétchène ruinée par la Première Guerre. C'est aussi l'époque, il faut le noter, où Boris Eltsine a subi une grave opération cardiaque et demeurera alité un très long moment. Ouais, et quand le chat n'est pas là... Exactement, les oligarques en prennent à leur aise. C'est si vrai qu'un peu plus tard, Berezovski devient le patron de ce conseil de sécurité. Ah, il n'est plus l'adjoint, là. Et à ce titre, il occupe une fonction excessivement importante. Faut pas oublier que c'est lui qui glissera à l'oreille de Boris Eltsine le nom de Vladimir Poutine pour occuper le poste éminemment stratégique de directeur du FSB. Auparavant, il faut mentionner un événement tout à fait étonnant, même dans cette Russie complètement déboussolée. De quoi vous voulez parler, là? En 1998, Alexandre Litvinenko, toujours lieutenant-colonel du FSB, mais placé sur une voie de garage, donne une conférence de presse, entouré de quelques-uns de ses collègues, dont l'un est en cagoulé. Il dénonce son service. Le FSB, donc. Et que dit-il? Il affirme qu'en 1997, ses supérieurs lui ont ordonné d'éliminer Boris Berezovski, Mais comme il a refusé, ça lui a valu de nombreux ennuis et même d'échapper à une tentative d'assassinat. Et est-ce qu'il accuse nommément ces chefs-là ? Tout à fait. L'un d'eux lui aurait même violemment reproché de ne pas avoir liquidé ce juif qui a volé la moitié du pays. Ouais, ce juif, hein, c'est terrible. Hein. Mais ça correspond à une réelle montée de l'antisémitisme en Russie. Un sentiment de haine d'autant plus violent que la plupart des oligarques sont d'origine juive. L'accusation est donc très grave, mais est-elle crédible ? Pas trop, non. Si l'on sait que Litvinenko est déjà, depuis assez longtemps, un homme de Berezovski. Donc cette accusation aurait pu être directement inspirée par l'oligarque, hein ? Mais alors, dans quel but ? Bah, ici, soyons clairs. Nous sommes dans le domaine des supputations et pas des certitudes. Mais attendez, avant d'aller plus loin. Qu'est-il advenu de Litvinenko après sa conférence de presse ? Bah, il a naturellement été viré du FSB et même emprisonné. Mais Poutine et Berezovski ne l'ont pas oublié. Et à sa libération, il sera même employé par le milliardaire au conseil exécutif de la Fédération russe. Puis il le suivra dans son exil en Grande-Bretagne. Alors, revenons à ce que cachait cette étrange conférence de presse. Donc, première explication. Berezovski, qui avait déjà l'intention de pousser Poutine à la tête du FSB, aurait pu vouloir faire place nette avant l'arrivée de son poulain, mais je n'y crois qu'à moitié. Alors, une autre explication ? Oui, les supérieurs accusés par Litvinenko étaient chargés de la lutte contre la criminalité organisée. Ah, ils pouvaient alors éventuellement s'intéresser de très près, de trop près, aux affaires de Berezovski. Ah, bah, c'est très probable. Le premier ministre russe était alors Evgeny Primakov. Un ancien patron du KGB, hein. Et une exception au sein du personnel politique russe. Mais pourquoi une exception ? Parce qu'il était considéré comme un homme plutôt intègre. Etsine l'avait justement nommé pour venir à bout de la corruption. Oui, ce qui est parfaitement hypocrite, puisque la corruption commençait à la tête du Kremlin. Et presque fatalement, lorsque Primakov osera mettre son nez dans les affaires douteuses de la famille, bah, il sera prestement remplacé. Et par Poutine. Et c'est exact. Poutine, qui, grâce à Berezovski, connaît une ascension fulgurante. D'abord patron du FSB, puis premier ministre. Bon, on est rarement allé aussi vite. Ouais. Alors, si je vous entends bien, là, Vladimir Poutine est donc une pure créature de Boris Berezovski. C'est absolument vrai. Et sans vouloir faire de la psychologie la petite semaine, ça explique très bien la haine que lui vouera plus tard Poutine. Oui, parce que celui-ci ne voudra jamais admettre ou reconnaître qu'il doit son pouvoir à cet oligarque corrompu. En attendant la rupture, Berezovski et Poutine filent le parfait amour. On les voit même ensemble au sport d'hiver. Mais il faut dire qu'alors, leurs intérêts coïncident. Mais soyez plus précis, là. L'explication, c'est la Tchétchénie. Que veut Poutine ? Le pouvoir, encore plus de pouvoir. Et il a compris assez vite que c'était le levier qui lui permettrait de devenir numéro un à la place d'un Boris Eltsine usé et malade. Ouais, donc en provoquant la deuxième guerre de Tchétchénie. Mmh. Et l'intérêt de Berezovski lui-même pour la Tchétchénie ? Lui, s'il a éliminé les généraux du FSB et Primakov, c'est aussi pour avoir les mains libres en Tchétchénie, où il compte faire des affaires. Lesquelles, hein ? Bah, il a des visées sur le pétrole, ou plutôt sur l'oléoduc indispensable pour exporter le pétrole de la Caspienne. Ouais, et qui passe sur le territoire tchétchène. Hein. Et la priorité pour lui, c'est d'assurer la sécurité de ce tuyau. Mais ce n'est pas tout. En Tchétchénie, où le désordre ne cesse de se développer, Berezovski a choisi son camp. Celui d'un chef de guerre, un islamiste radical. Chamil Basayev. Il est en effet avéré que le milliardaire lui a maintes fois fait parvenir des sommes très importantes en dollars, et même, semble-t-il, des armes. Ouais, mais que cherchait-il alors ? On assiste au début de l'automne 1999 à une vraie mascarade. Enfin, je vais vite, car ce sont des faits que j'ai déjà évoqués. Des islamistes tchétchènes, commandés par Chamil Basayev, s'introduisent au Daghestan. Ça, c'est la république voisine de la Tchétchénie. Oui, une république qui, elle aussi, fait partie de la Fédération russe. L'objectif affirmé de ces hommes, qui seraient des wahhabites, c'est l'établissement au Daghestan d'un État islamiste. Oui, pour Moscou, c'est une vraie provocation. Et hein. Poutine, à peine nommé, annonce que l'armée russe va lancer une grande offensive pour chasser ces troupes qui menacent l'intégrité territoriale de la Fédération. Et au passage, leurs bases situées en Tchétchénie vont être frappées. C'est le point de départ d'une nouvelle guerre, non ? Pas encore, parce que les hommes de Basayev vont tranquillement retraverser la frontière sans que l'armée russe ne s'y oppose sérieusement. Mais ils reviendront un peu plus tard. Une nouvelle incursion. Oui, assez brève, cette deuxième incursion. Mais elle coïncidera avec un violent attentat commis contre un immeuble occupé par les troupes russes. Il y aura 60 morts. Au Daghestan, donc. C'est exact. Mmh. Suivant d'intenses bombardements russes de part et d'autre de la frontière entre la Tchétchénie et le Daghestan. Et tout ça vous paraît très curieux? On aurait voulu donner un prétexte aux Russes pour intervenir en Tchétchénie, qu'on n'aurait pas fait mieux. Ajoutez à cela les monstrueux attentats qui vont ensanglanter plusieurs grandes villes russes. Ouais. Des attentats dont on peut penser qu'ils ont été perpétrés par le FSB qui se trouvait entièrement sous la coupe de Poutine. Mais il fallait donc qu'un homme fort règle la question une fois pour toutes. Une voie royale s'ouvrait pour Poutine, grâce à Berezovski. Vous le savez, la lune de miel entre Poutine et Berezovski va être très brève. Pourtant, ça commence bien. En décembre 1999, l'oligarque est élu député dans le Caucase. Poutine se rend sur place pour célébrer son élection. Un acte de reconnaissance. Berezovski a financé et orchestré l'élection d'un parlement pro-Poutine. Oui, Poutine qui va bientôt être élu à la présidence après la démission surprise d'Helsine. En mars 2000, oui. Mais deux mois plus tard, c'est la rupture. Et alors, fondamentalement, pourquoi? D'abord, Poutine n'accepte pas que l'homme qui l'a fait roi continue à se mêler de politique, de sa politique. Ensuite, il refuse d'accorder l'amnistie pour toutes les malversations commises pendant les privatisations de la décennie 90 par les oligarques. Et Berezovski se sent visé. Forcément, c'est assez habile. Le nouveau maître du Kremlin sait que l'opinion russe est très hostile envers ces hommes richissimes qui ont pillé le pays. Et le juif Berezovski est un épouvantail tout désigné. Le bouc émissaire. Si vous voulez. Mmh. Berezovski est par conséquent conduit à se retourner contre Poutine, dont il accuse les méthodes autoritaires. Il va même plus loin, puisqu'il annonce la création d'une opposition constructive au président. Cette fois, c'est la rupture inéluctable. En novembre 2000, Berezovski quitte la Russie et s'installe en Grande-Bretagne. À noter qu'il n'est pas le premier oligarque à quitter sa patrie. Un nommé Goussinski l'a précédé. Ouais. Mais cet exil ne le met pas entièrement à l'abri. Poutine, qui en a fait son ennemi numéro un, n'entend pas le laisser en paix. En avril 2003, Moscou demande son extradition, l'accusant de fraude. Berezovski est brièvement incarcéré avant d'être remis en liberté après avoir payé une caution de 100 000 livres. Et un peu plus tard, il bénéficie de l'asile politique. Mmh. Et qu'en est-il alors des autres oligarques? À l'exception de Khodorkovsky, qui ne veut pas s'incliner et ose même montrer ses ambitions politiques, les autres font profil bas. Mmh. L'opération main propre est donc très limitée. Oui, elle n'a visé que ceux qui ne voulaient pas courber la tête devant le nouveau tsar. Les autres, dociles, ont pu continuer à s'enrichir. Cependant, le régime devenant de plus en plus autoritaire, le Kremlin a franchi une étape supplémentaire. Et ici, il faut observer qu'en juin 2006, le Parlement russe a voté une nouvelle loi assez inquiétante. Ouais, c'est-à-dire? Les agents de sécurité sont désormais autorisés à traquer et éliminer les terroristes, non seulement en Russie, mais aussi à l'étranger. Mais nombre d'observateurs se demandent ce que dissimule effectivement ce vocable de terroriste. On pourrait y inclure un certain nombre de gêneurs, des oligarques trop bavards, des agents qui ont fait défection, et même, pourquoi pas, des journalistes trop curieux. Et coïncidence ou pas, en octobre 2006, la journaliste Anna Politkovskaya est assassinée par balle devant chez elle, à Moscou. Mmh. Oui, un assassinat qui reste mystérieux, car le ou les commanditaires n'ont toujours pas été identifiés. En notant seulement que la journaliste enquêtait sur les crimes du pouvoir en Tchétchénie. Ensuite, le 1er novembre 2006, Alexandre Litvinenko, le protégé de Berezovski, est empoisonné à Londres. Oui. Au polonium. En effet. Une substance radioactive qu'il a sans doute ingérée au cours d'un déjeuner avec deux ex-agents russes. Et il meurt peu de temps après. Bien entendu, le Kremlin a nié toute implication dans cet assassinat, mais il a refusé que le principal suspect, Andrei Lugovoy, soit extradé à Londres. Quant à Berezovski, il a naturellement accusé Poutine d'avoir ordonné la liquidation de Litvinenko. Litvinenko, qui, je vous le rappelle, savait beaucoup de choses sur ces attentats qui ont permis à Poutine de lancer la deuxième guerre de Tchétchénie. Et donc de s'imposer au pouvoir. Parfaitement. Alors la suite. Bon, elle est rien moins que troublante. En février 2008, le milliardaire géorgien Badri Arkady, de son vrai nom Patakatsishvili, décède dans sa propriété de Londres. Ça ressemble à une crise cardiaque. Mais Scotland Yard parle de mort suspecte et ouvre une enquête. Et lui aussi, c'était un oligarque exilé. Et doté d'une fortune estimée à 8 milliards d'euros. Mais ce géant moustachu, plutôt taiseux, était surtout l'un des plus anciens partenaires de Berezovsky. Lui aussi, issu d'une famille juive pratiquante, avait connu un parcours semblable à celui de tous les oligarques de l'époque. Les Komsomol, puis une école d'ingénieur et un emploi dans un gros combinat de filature de laine. Ouais, ça c'est le démarrage dans les affaires. Et la rencontre avec Berezovsky dont il devient le bras droit. Donc à l'époque des privatisations sauvages, ben, il est mêlé à toutes les malversations de Berezovsky. Ouais, c'est aussi l'homme qui fait le lien avec les milieux mafieux du Caucase. Tandis qu'en même temps, il entretient d'excellentes relations avec des personnages importants du FSB. Est-ce qu'il a également participé à la montée en puissance du tsar Poutine ? Bien sûr. D'autant qu'il était le dirigeant de la chaîne de télévision de Berezovsky. Et alors lui, pourquoi s'est-il exilé ? En Russie, il était recherché pour vol à grande échelle. Ah ouais, donc il a trouvé plus prudent de partir. Non sans avoir aussi magouillé dans son pays natal. Donc la Géorgie. Où il nourrissait des ambitions politiques grâce à son immense richesse. Mais ça ne s'est pas très bien passé. Et il a rejoint Berezovsky à Londres. Il convient aussi de remarquer que le suspect principal dans la mort de Litvinenko, ce Lugovoy, ancien du KGB, a longtemps travaillé pour Badri Arkady, dont il a été chef de sa sécurité. C'est Arkady, là, il se sentait menacé ? Ce genre d'individu a forcément pas mal d'ennemis. En outre, ami et associé de Berezovsky, il avait tout à craindre. C'est si vrai que peu de temps avant sa mort, il avait confié à un journaliste britannique qu'il entretenait une véritable armée de gardes du corps. Ce qui ne l'a pas empêché d'être tué, si vraiment il a été assassiné. Ce qu'on ne sait toujours pas. Mais il est notoire que les services secrets russes sont des champions dans le domaine des poisons. Surtout ceux qui ne laissent pas de traces et simulent parfaitement les symptômes d'une crise cardiaque. Enfin, je poursuis. Au printemps 2012, le banquier russe German Gorbunsov reçoit 6 balles alors qu'il se trouve dans un quartier d'affaires à l'est de Londres. Il a survécu par miracle. Et le présumé tireur, un Moldave, a été récemment arrêté à Moscou. Mais il m'étonnerait que Londres obtienne son extradition. Et d'après vous, alors, pourquoi a-t-on essayé de le supprimer ? German Gorbunsov était recherché en Moldavie. Il avait fui la Russie en 2010 après une tentative d'assassinat sur son ancien partenaire en affaires, Alexander Antonov. Gorbunsov était sur le point de rencontrer à Londres des enquêteurs russes afin d'en savoir plus sur la tentative d'assassinat de son associé. Et depuis, il vit toujours en Grande-Bretagne sous la protection d'une vingtaine de gardes de corps. Et il n'est donc toujours pas vraiment rassuré. C'était évident. Alors je continue la liste. Le 10 novembre 2012, Alexandre Perepilichny, un homme d'affaires russe de 44 ans, succombe à une crise cardiaque en plein jogging non loin de sa luxueuse demeure au sud-ouest de Londres, dans le Surrey. 44 ans, c'est jeune hein, pour mourir d'une attaque cardiaque. Et d'autant que c'était un homme sportif en pleine forme. Et qui était-il, celui-là ? C'était un brillant scientifique qui, après l'effondrement de l'URSS, a mis ses talents au service du monde de la finance. Détail intéressant, il a dû affronter ces fonctionnaires russes corrompus qui ont escroqué le fonds Hermitage et ont été accusés par l'avocat Magnitsky. Pire encore, ils suspectaient que les importants profits engrangés par les fraudeurs étaient en train d'être blanchis via notamment les comptes du Crédit Suisse dont ils s'occupaient en Russie. Et selon ses associés, il était terrorisé par la mort de Magnitsky, craignant de subir le même sort s'il parlait. Et lui aussi a fini par fuir en Grande-Bretagne avec sa famille et sa fortune. Mais à l'été 2010, il a décidé de suivre l'exemple de Magnitsky et de révéler ce qu'il savait de cette gigantesque escroquerie. Il était donc devenu l'un des témoins clés de l'affaire Magnitsky. Et selon les enquêteurs travaillant sur l'affaire Hermitage, la mort de Perepilichny ne serait que la dernière d'une série d'au moins 5 morts suspectes. Alors, si vous le voulez bien, là, revenons sur Berezovsky. Vous pensez donc qu'il a été lui aussi supprimé ? Eh bien non. Là, vous m'étonnez surtout après avoir énuméré tous ces morts étranges. Il existe, voyez-vous, bien des manières pour se débarrasser d'un homme. Et celle qui a été utilisée, en l'occurrence, a été très maligne. Soyez plus explicite, là. Je crois qu'on l'a ruinée. C'est aussi simple que ça. Et on l'a poussée au suicide. Mais qui, alors? Son ex-associé, Roman Abramovitch, qui est, entre parenthèses, le propriétaire du club de foot de Chelsea. Et aussi un excellent ami de Poutine. Abramovitch s'est débrouillé pour spolier Berezovsky, qui possédait comme lui des parts importantes dans la compagnie pétrolière, Sibneft. Il y en avait pour 1,3 milliard de dollars. Qu'Abramovitch s'est donc approprié. Exactement. Et qu'il a ensuite revendu 10 fois plus cher à l'État russe. Et Berezovsky s'est laissé faire? Bien sûr que non. Il a intenté un procès à son ex-associé, mais son dossier était mal ficelé. La justice britannique a estimé que le plus fiable des deux était Abramovitch. Une vraie catastrophe pour Berezovsky, qui a aussi été condamné à payer les énormes frais judiciaires. Bref, il a donc été ruiné. Et pour moi, il ne fait aucun doute que l'affaire a été manigancée au Kremlin, au plus haut niveau, et pour le réduire définitivement au silence.